Mon frère fume des pétards, et moi je ne lui dis rien. Car quand il fume des joints, j'ai ma poudre dans le placard. Mon frère fume de la beuh, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Quand il tire sur son pneu, chez moi la coke s'empire. Du shit et se défonce la nuit. Moi, bien sûr, ça m'irrite, mais bon, j'en fume aussi. Mon frère boucave du tush, je ne vais pas jouer les chefs. La coke, c'est bien trop rush, c'est pour ça qu'il est def.